Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gemozo 107 FM. Nous sommes le lundi 24 mai 2021, il est un peu plus de 14h, il est 14h01 même. C'est Chris, vous êtes dans Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont Claire Schoffel qui est là pour nous parler de son entreprise Claire with a K. Donc bonjour Claire. Oui, bonjour Chris. Comment ça va? Très bien, très bien. Parfait. Donc, nos auditeurs et nos auditrices sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Claire Schoffel, je suis bottière maroquinière. J'ai un atelier artisanal qui travaille le cuir, où je travaille toute seule, qui se trouve dans les Hauts-de-Vosges, à Basse-sur-le-Rue. Et j'attire les touristes, en fait, pour venir visiter et fabriquer des choses par eux-mêmes à l'atelier. Et en complément de ça, j'ai créé en 2009 une marque d'accessoires de mode en cuir qui s'appelle Claire with a K. Donc, elle existe depuis 2009, donc antérieure aux visites de l'atelier, en fait. D'accord. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, votre entreprise, donc Claire with a K, quel a été votre parcours, on va dire, scolaire et professionnel? Alors, mon parcours, au début, il est assez traditionnel jusqu'à mon changement de vie en 2007. Donc, j'ai fait collège, lycée à Remiremont. Après, je suis partie apprendre les études d'optique sur Paris. J'ai fait un BTS et une licence en optométrie. Donc, j'étais opticien lunetier pendant une quinzaine d'années. D'accord. J'avais choisi ce métier-là pour le côté manuel, assez créatif, parce que je pensais fabriquer des lunettes par moi-même, par rapport à la physionomie des gens, faire du sur-mesure. Et puis la conjoncture a fait que en France, les usines de lunetterie n'ont fait que fermer à tour de bras. Et après, cette envie m'est partie et j'ai trouvé un peu par hasard un métier davantage manuel qui est très créatif, qui aussi répond à une nécessité et qui aussi se porte sur les gens. C'est les points communs qu'il peut y avoir avec les lunettes. Et donc, je suis rentrée dans le cuir. Disons que la rencontre avec le cuir, elle date de 2004-2005. Et le montage de l'atelier en lui-même a commencé en 2007. D'accord. Donc Claire with a K, c'est du coup une entreprise et un atelier. Alors Claire with a K, c'est une marque. D'accord. Qui représente un style de mode, donc qui est plutôt basé sur les accessoires, quoi qu'il y a quelques vêtements. Et l'atelier en lui-même, il s'appelle Claire Cuir. D'accord. Donc Claire, c'est K-L-A-I-R, ça s'écrit de façon androgyne. Et c'est volontaire que le nom de la marque porte mon prénom, mais de cette façon androgyne, donc K-L-A-I-R. Et du coup, Claire with a K, c'est une petite phrase, ça veut dire Claire avec un K en français. Mm-hmm. Et le jour où j'ai déposé cette marque, voilà, c'est un peu arrivé par hasard, ce modèle de phrase, on va dire. D'accord, parce que j'ai vu en préparant cette émission qu'à la base, vous vouliez juste déposer juste Claire K-L-A-I-R, oui. Mais que ce n'était pas possible. Oui. En fait, je me suis inscrite pour la démarche d'inscrire une marque à Nancy, là, à l'INPI. Y a des recherches, tout ça. Et Claire's Accessories, ça existait déjà. Et au niveau de l'écriture, ça s'écrit C-L-A-I-R-E, mais phonétiquement, c'est exactement la même consonance qu'on l'écrive C-L-A-I-R-E ou K-L-A-I-R. Donc, elle m'a dit non, la fille, c'est pas possible, là, vous allez avoir des ennuis. Parce qu'en fait, vous êtes dans les mêmes domaines d'activité et ça se prononce pareil, donc non. Et donc non, on peut pas déposer Claire comme ça. Donc j'ai dit, si on met Claire avec un K. Et puis moi, j'avais vraiment une envie de vendre pas que en France et que ça s'éparpille un peu partout. Donc la facilité de l'anglais, donc c'est sorti en anglais, Claire with a K. Elle m'a dit, oh ben là, il n'y a pas de souci, vous serez toute seule. Hein. Donc voilà, c'était fait. Et d'accord. Ça, c'était en 2009. D'accord. Donc, comme vous l'avez dit surtout un peu plus tôt, vous travaillez avec du cuir. Oui. Mais travaillez-vous avec d'autres matières ou que du cuir? Non, ma matière principale, c'est du cuir. Et ce n'est pas du cuir qui sort directement de tannerie. C'est du cuir qui est sur un modèle de recyclage, on va dire. Il est vraiment en bout de chaîne. Je l'achète auprès de collecteurs de cuir de fin de collection ou les choses comme ça. Donc, j'ai accès à des cuirs très haut de gamme et que j'aurais même pas possibilité d'acheter comme ça en direct. D'accord. Donc, ok, ça c'est le cuir. Et j'ai aussi deux autres matières parce que j'aime bien réutiliser les matières qui existent et surtout les matières nobles, on va dire. Donc, je réutilise les cravates en soie, plutôt les vintage, parce qu'elles sont plus épaisses. Il y a plus de fil au centimètre carré. Enfin, voilà, c'est mieux fait qu'aujourd'hui. Et aussi les costumes d'hommes en lainage, en tweed. D'accord. Donc voilà, ça fait trois matières au final aujourd'hui que j'exploite, mais la matière la plus utilisée tous les jours, c'est quand même le cuir. D'accord. Justement, de ces quelques matières, de ces trois matières que vous venez de citer, est-ce qu'il y en a une que vous préférez travailler plus qu'une autre ? Ah ben, je préfère le cuir. Le cuir, c'est... je sais pas, c'est vraiment une matière qui me parle. On peut faire plein de choses, c'est très très varié, ça peut être élastique, il y a plein de couleurs, il y a plein d'épaisseurs, il y a plein de finitions de surface différentes, avec des écailles lisses, poilues, avec des motifs gravés. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ma matière de prédilection. J'en ai essayé d'autres avant, la terre, le bois, la peinture. Mm-hmm. Je peux pas dire que ça me déplaît. Mais il n'y a pas ce côté vraiment très attirant que je retrouve avec le cuir. D'accord. Donc justement, votre atelier il se trouve à Basse-sur-le-Rue, c'est ça ? Oui. À l'adresse 94 Impasse des Fougères, 88-120 Basse-sur-le-Rue. Oui, c'est dans le coteau du Bambois, pour ceux qui connaissent, juste avant Planois. Donc c'est le coteau sud. C'est une impasse qui se trouve à mi-hauteur dans le coteau. D'accord. C'est fléché depuis le départ de la route, hein, heureusement. Avec des affiches blanc et violette, voilà. D'accord. Donc justement, est-ce que dans votre atelier ou autre, vous accueillez des visiteurs pardon, qui veulent s'essayer au cuir ? Ou est-ce que c'est vraiment que vous qui êtes dedans ? Oui, alors depuis 2 ans, j'ai ouvert à la communication en local, du coup, sur l'atelier. Il y a 2 activités possibles. Il y a la visite guidée commentée en tout petit groupe, maxi 5 personnes, on va dire. Donc je fais découvrir les outils, le process de création, la fabrication d'une chaussure, et aussi on découvre ce qu'est le cuir d'un animal à l'autre. Comme voilà, c'est différent. Ils touchent, ils peuvent découvrir tout un tas de choses. Je pense que c'est assez surprenant comme visite. Parce qu'on se rend pas compte les étapes qu'il faut pour en faire une chaussure. Et aussi l'autre activité, donc tout ça c'est sur rendez-vous, hein, parce que moi il faut que je m'organise, comme je travaille toute seule, toutes les visites et les cours c'est sur rendez-vous. Et donc l'autre partie c'est les cours, moi j'appelle ça cours, mais ce sont des initiations au travail du cuir. Ça commence à partir de 8 ans si on veut, il y a des ateliers qui sont adaptés, c'est dans une pièce au chaud quand il fait froid et qu'il pleut, ou ça peut être dehors en été dans le jardin. Ça peut être en cours tout seul ou avec des petits groupes. En ce moment je suis limitée à 4, mais ça peut monter à 8-10. On vient faire on va dire quoi, en 1 heure on peut faire un bracelet, en 2 heures on peut faire des bijoux. Le maximum c'est 4h30, on fait un sac. Pour les gens qui seraient en doute sur les ateliers, en fait il n'y a pas de prérequis, il faut pas savoir coudre avant ou pas forcément savoir faire quelque chose par soi-même avec ses mains. Tout est adapté pour vraiment découvrir la matière, découvrir des procédés d'assemblage qui sont pas de la couture. Et il faut juste bien suivre les patrons, donc savoir découper, savoir tracer, et après être attentif. Moi, j'assiste les gens, et c'est toujours très très sympathique, parce que surtout en groupe. Moi, je préfère en groupe parce qu'il y a des interactions entre les gens qui sont là et viennent d'univers toujours tellement différents que apprendre quelque chose ensemble, ça reste. Non seulement ils apprennent à faire quelque chose et ils repartent avec, ils sont contents, mais en plus ils ont rencontré des autres êtres humains, voilà. Et donc il y a plein de belles choses là-dedans. Je pense que c'est un beau cadeau à offrir, comme il y a la fête des mères tout près, parlons-en. C'est un beau cadeau à offrir à des gens qu'on aime et qui ont envie de s'épanouir et de découvrir cette matière-là. D'accord. Justement, je vais vous demander si les stagiaires, entre guillemets, pouvaient repartir avec leur création, mais vous avez déjà... Oui, évidemment. Ils choisissent à l'arrivée, bon, ils savent ce qu'ils vont faire comme modèle. Ils ont pré-choisi, ils se sont inscrits à un stage type. Après, il y a un tas de cuir, donc il y a plein de couleurs. Hein. On peut le faire de façon traditionnelle, marron, mais il y a plein d'autres couleurs. Il y a du rose, du rouge, du blanc, du jaune, du vert... On fait comme on veut, on utilise les couleurs qui parlent à chacun, et voilà. D'accord. Donc, en faisant mes recherches en amont de cette émission, j'ai lu quelques articles concernant votre entreprise, donc Claire with a K, enfin votre marque, et j'ai vu que votre univers, ainsi que l'univers de votre marque, est, je cite, « théâtral, androgyne, élégant et surprenant ». Donc, pourquoi ces termes pour votre marque ? Ouais, parce que quand on fait un site, il faut donner un petit peu d'infos. Et tous ces termes-là, ils sont venus... c'est-à-dire que moi, j'en ai pris conscience par rapport à des réflexions de clients. D'accord. Parce que quand on est créateur, je pense que c'est comme ça pour tous les créateurs, quel que soit le type de matière qu'ils développent, qu'ils utilisent. On est trop impliqué, on est trop dedans. C'est comme une partie de nous-mêmes. Donc, juger un univers où son travail, c'est pas simple. Se définir, c'est pas simple. Donc théâtral, en tout cas avec tous ces mots-là, j'étais d'accord. Théâtral, oui, mais quand on utilise, je sais pas, c'est encore plus flagrant quand on fait des produits avec des cravates, par exemple. Mm-hmm. C'est des tissus qui sont tellement précis. Il y a comme une mise en scène dans un tissu de cravate. Donc c'est très visuel. Ça peut convenir à quelqu'un tous les jours, mais a fortiori quelqu'un qui fait de la scène ou voilà des danseurs, des chanteurs, des comédiens, voilà. D'accord. Donc, du coup, les accessoires de votre marque, j'ai également vu en faisant mes recherches, visent à être diffusés hors de nos frontières, donc au Japon, aux États-Unis, en Allemagne ou encore au Luxembourg et ailleurs également. Donc, quand vous avez créé votre marque, donc Claire with a K, aviez-vous déjà cet objectif de vous mondialiser ? Oui, je l'ai écrit en anglais. Le site d'ailleurs, c'est www.clairewithak.eu. Mm-hmm. Donc, c'était vraiment une vision déjà européenne. Et c'est un terme anglican finalement, donc c'est destiné à être compris par le plus grand nombre de consommateurs. Du coup, quand on veut vendre à l'international, c'est plus facile d'avoir un nom à consonance anglaise. Et je me rendais bien compte qu'en local, ça allait être compliqué de plaire parce que mon style, mes produits sont quand même atypiques. Et je vois bien autour de moi les gens qui sont à même de porter ça, il y en a peu. Donc vraiment, la vision, elle était de toucher des gens qui sont hors de nos frontières, en particulier des gens comme les Anglais, qui sont beaucoup plus, on va dire, farfelus que nous, que les Français en général. C'est des produits qui sortent de l'ordinaire et c'est volontaire. Créer quelque chose, c'est vraiment, pour moi, c'est cette notion de créer, c'est inventer des designs, des modes, des modèles, de façon à ce que je m'exprime artistiquement par l'invention de lignes, le choix de matière, le choix de couleur, la proposition industrielle d'accessoires de mode, elle est quand même assez classique et assez limité pour un budget pour un budget moyen. Après oui, il y a des super belles pièces, mais faut tout de suite mettre plusieurs zéros, quoi. Donc c'est pas à donner à tout le monde. Moi mon but, c'est quand même de faire plaisir à pas mal de consommateurs tout en restant dans des prix accessibles. Bon, après c'est sûr, faut payer les heures de travail, bien sûr, et les taxes et tout ça, donc le prix, même si c'est artisanal, et je pense que les prix sont largement raisonnables pour la qualité des matériaux et la qualité de savoir-faire qui sont mis en avant avec Claire with a K. D'accord. Donc justement, comme vous venez de le dire, la fabrication de vos accessoires tout simplement sont également faits sur mesure et artisanalement. Pardon. Oui, il n'y a pas de série quoi. Artisanal, ça veut dire c'est fait à la pièce et c'est ce que moi j'ai pas envie de faire de la série, c'est-à-dire répéter toujours la même forme. Ça c'est pas créatif pour moi. Moi je travaille pour le particulier. Je me fais plaisir en inventant, en fabriquant, et lui il se fait plaisir en ayant une pièce unique. Mmh. Tout le monde est content. Il vient peut-être avec un début d'idée ou pas, et il choisit son cuir pour réaliser l'objet, pour que je réalise pour lui l'objet. Donc ça passe par un dessin, ça passe par des échanges, un devis, tout ça. Mais franchement, tout le monde est heureux. Moi, je fais jamais deux fois la même chose. Et le consommateur ou la consommatrice, elle a vraiment une pièce rien que pour elle. D'accord. Donc, justement, vous ne faites jamais des dimensions, on va dire, générales, entre guillemets. Vous ne faites jamais de série. C'est toujours unique. Ouais, par exemple, la chose qu'on pourrait considérer comme de la série, ça pourrait être un modèle de sac, un cabas. Ça, j'en ai toujours un petit peu d'avance. Donc, ils ont tous la même forme. Mm-hmm. Mais finalement, ils sont tous différents puisque la matière dans laquelle ils sont constitués, les cuirs que j'ai utilisés, je peux en faire qu'un parce que j'ai qu'une peau de cette couleur-là. Donc, d'accord. Ils ont un profil, on va dire, commun. Mmh. Mais ils sont tous uniques. D'accord. Donc là, c'était vraiment votre volonté de faire ça. Oui, oui, c'est vraiment une volonté. Oui. Ok. Donc il est 14h17. Avant d'aller plus loin, je vous propose de nous lancer directement dans une toute première fréquence, comme j'aime à l'appeler, dans une première pause musicale que vous avez choisie. Oui. Et que nous écoutions Arnaud Santamaria avec son titre Mademoiselle Claire. Donc pour donner un petit peu les références, comme j'aime bien le faire, cette chanson est sortie en 2015. Et est tiré de l'album Des Corps Libres de Arnaud Santamaria, album sorti en 2015 également. Donc on écoute cette chanson et on se retrouve juste après. Rencontre dans la belle Claire balance l'encre qu'elle a tatouée sur ses hanches, à peine sèche sous le vent à la recherche du printemps. Même dans le doute, elle veut tout faire, battre l'enfer, ouvrir les yeux à tous les feux, tout cacher, faire semblant que rien ne la brûle en dedans. Moi je préfère qu'elle reste à découvert. Ce que je préfère est bien plus clair. Et je préfère des sextants de paradis qu'elle maquille derrière trop de roses pour une épine au creux du lit. Et jusqu'à l'aube elle joue à l'aube rouge des bouteilles qui se vendent à genoux la traîne. Mais qu'importe, ces marches ou crèves, on finit tous dans le même ciel. Moi je préfère qu'elle reste à découvert. Ce que je préfère, elle vient plus. Et je préfère qu'elle reste à découvert. Mademoiselle Claire sous le voile est la plus fragile des dames. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Elle a toutes les heures, elle a toutes les pendules du bonheur et des aiguilles au fond du cœur. J'aimerais juste tout défaire, que la lumière passe à travers. Mademoiselle Claire, qu'elle reste à découvert. Ce que je préfère est bien plus cher. Et je préfère qu'elle reste à découvert. Mademoiselle Claire, sous le voile, est bien la plus grande des dames. Da da da da da da. Vous êtes de retour sur Radio Guémozo. Vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement ou sur nos applications mobiles et web, Radio Line et Orange Radio partout en France. Il est 14h21. Vous êtes toujours en direct car même les jours fériés, on travaille à Radio Guémozo. Vous venez d'écouter Arnaud Santamaria et son titre Mademoiselle Claire. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne, les Remiremont, de Claire Chauffel qui est venue nous parler de son entreprise et de sa marque Claire with a K. Ça va toujours ? Impeccable, super. Parfait. Donc nos auditeurs et nos auditrices se sont habitués, j'aime beaucoup poser cette question après une pause musicale. Pourquoi avoir choisi cette chanson Mademoiselle Claire de Arnaud Santamaria ? Ben déjà parce que ça, Mademoiselle Claire, c'est moi, c'est mon prénom, c'est aussi une partie du nom de ma marque. Ce chanteur, je l'ai vu en première partie de Palmas à la Rotonde à Taon, ça doit être en 2017. D'accord. Et ça m'a fait comme un choc parce que j'aime tout, j'aime le solo, enfin la façon dont il joue de la guitare, j'aime le rythme aussi des instruments derrière qui sont assez rock, batterie, tout ça. C'est dynamique, moi ça me pulse, et j'ai toujours envie de, dès que j'entends, j'ai envie de danser, donc voilà, c'est, j'adore. D'accord. Donc on va reprendre tout doucement le cours de cette émission. Comme nous disions avant cette pause musicale, vos articles et vos accessoires, tout ça sont réalisés sur mesure et artisanalement. Donc est-ce qu'il y a des personnes employées dans votre entreprise ou est-ce que vous êtes toute seule à tout faire ? Non, je travaille toute seule, j'ai pas d'employés, déjà j'aurais pas la place, l'atelier est trop petit pour accueillir quelqu'un comme ça, et pour l'instant la structure, heureusement que j'avais pas d'employés avec ce qui s'est arrivé là depuis une bonne année, que c'est un peu tout au ralenti. Non, j'assure tous les postes, la logistique, l'approvisionnement, la créa, la fabrication, la livraison, enfin la communication aussi, pour se faire connaître c'est pas simple, voilà. D'accord. Donc, comme nous le disions également avant cette pause musicale, si jamais certains de nos auditrices ou certains de nos auditeurs nous rejoignent seulement maintenant, donc chez Claire with the K, vous n'avez pas de catalogue précis, c'est tout unique. Oui. J'ai un site internet où on peut voir des pièces, mais franchement, il est pas du tout en rapport avec tout ce que vous pouvez voir en vrai en venant à l'atelier. Parce que l'atelier, il y a une pièce évidemment où il y a des produits finis. Parce que mettre un article sur internet, c'est ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de contraintes, télécharger, renseigner sur tout un tas de choses. Donc c'est vrai qu'il y a plus d'objets uniques et divers et variés quand on vient en vrai que les gens qui regardent mon site quand ils habitent pas dans le coin, quoi. Voilà. C'est vrai, mais bon, pour l'instant c'est comme ça. Il faudrait carrément un job à plein temps pour tout renseigner et mettre tout sur le web. Bien sûr, j'imagine. Donc, en fonction de vos articles, vos accessoires, tout ce que vous fabriquez, comment se passe, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais on va peut-être pouvoir développer un petit peu, comment se passe la confection des différents articles, en d'autres termes, qu'est-ce que le client peut choisir pour s'il veut, par exemple, je ne sais pas, une chaussure ou autre ? Alors, on va plutôt parler de ce qui arrive le plus souvent, un sac, quelqu'un qui veut un sac. En général, il sait ce qu'il veut y mettre dedans, comment il veut le porter. Mais la réalisation, le nombre de poches, la taille réelle, le choix de la matière, tout ça, ça se fait par un dialogue avec lui. Je vais lui montrer des cuirs qui peuvent être appropriés pour ce qu'il veut faire, que ça soit résistant ou moins ou plus fin ou plus souple. Vous voyez, les cuirs, c'est pas les, sont pas les mêmes. Et en fonction de tous ces renseignements collectés, moi, je vais faire un dessin avec des cotes. Et à partir de ce volume-là, ben, je peux estimer un temps de travail, le coût matière et faire un devis. Et une fois que tout ça s'est calé, que tout le monde est d'accord, et ben, je commence à fabriquer. Donc, ben, je crée le patron. Après, je reporte les pièces. Et j'assemble tout, et voilà, après, il attend un petit peu. En général, ils arrivent pas avec une idée très précise. Ils repartent avec vraiment une envie, un super projet. Et après, il faut que ça aille vite, hein, parce que c'est évident, on est impatient de l'avoir. Surtout, on est dans un monde de consommation. On a l'habitude presque d'avoir tout après, prêt à emporter, quoi. Et là, il faut attendre, il faut que ça se fasse. Il faut que j'y mette un peu de temps. Et après, c'est quand la pièce elle est faite et qu'ils viennent la rechercher, c'est toujours beaucoup d'enthousiasme, il y a de la surprise, C'est ouais, tout le process, c'est un bel échange en fait. C'est il y a beaucoup de communication, beaucoup de il faut beaucoup parler pour comprendre ce que le consommateur ou la consommatrice a dans sa tête comme idée, parce que si on parle pas assez, on comprend pas forcément de la même manière les mots qui sont dits, quoi. C'est pour ça que le dessin, c'est important. Je pense que ce qui est très intéressant pour le particulier qui fait cette démarche-là, c'est aussi pouvoir toucher les cuirs et non pas voir juste un petit bout de cuir sur un catalogue. Vous voyez, on touche la peau, on voit comment elle se comporte, si elle est légère, souple, voilà. C'est à la fois une découverte de plein de choses, de la matière, de l'endroit où ça se fait, de ma personnalité, moi de la personnalité du client, voilà. D'accord. Donc comme vous dites, il faut que la matière soit légère, enfin, si elle est légère, souple, etc. Donc ça veut dire qu'il existe plusieurs types de cuir, qu'il y en a qui sont moins souples que d'autres. Oui, en fait, il y a, on va dire pour une même bête, on va dire une peau de porc, ou une peau de vache, ou une peau de veau, suivant le tannage. Donc moi, j'achète les peaux finies, hein. Je n'ai aucun savoir-faire ni en tannage ni en colorisation. Donc je choisis des peaux qui m'interpellent, je les ramène à l'atelier et en fonction de, on va dire, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple ? Par exemple, un sac à dos en cuir pour un motard. Il faut que ce sac il soit pas très encombrant, assez ergonomique, mais il va se prendre les intempéries, il va se prendre le vent. Je peux le faire en cuir aussi bien souple que rigide, mais il faut quand même que ce soit un cuir qui soit pas trop fragile. S'il tombe, s'il y a des frottements, il faut pas qu'il s'abîme trop vite. Donc je vais plutôt privilégier, on va dire, une peau de veau en tannage végétal assez épaisse, qui aura une rigidité plus ou moins calculée, mais faut pas non plus que ça soit rigide comme du bois, quoi. Mais je vais pas utiliser un cuir comme ça pour faire un sac à main quotidien pour aller en ville, ça sera trop lourd. D'accord. Voilà, en fait, moi, je vais proposer des cuirs en fonction de l'utilisation, la fréquence d'utilisation du produit final. Il y a aussi cet aiguillage, il se fait naturellement. Le client, il en est même pas conscient. Si je lui présente si je sors du stock des pots, c'est déjà dans ma tête, c'est en fonction de ce que je vais faire avec, de à quoi c'est destiné. D'accord. Sinon, c'est infini. Et surtout, quand on vient et qu'on a zéro idée de la couleur de ce qu'on veut, alors là, c'est cata. Parce que des couleurs, je sais pas, il y en a 50. Même ne serait-ce que dans les marrons, il y a des nuances. C'est tellement varié. De dire, oui, je voudrais un sac marron, ok. Et les marrons, il y en a des clairs, des un peu plus jaunes, un peu plus orangés, des très foncés. Enfin, c'est pas suffisant comme info, se dire je veux une peau marron. Ah, ouais, je suis un peu coincée. Donc c'est pour ça qu'il faut cette interaction, il faut creuser l'idée qu'a le client dans sa propre tête. Il faut du détail, il faut des échanges, il faut... D'accord. Donc, à la base, quand vous recevez les différentes peaux, vous voyez déjà, on va dire, il y a les peaux normales, mais vous voyez déjà le produit fini. Mais je ne les reçois pas, je vais les chercher, les peaux. D'accord. Je vais dans un entrepôt, j'achète les peaux qui me plaisent, que je ne sais pas, dans lesquelles je me projette bien pour faire mon univers créatif. D'accord. Voilà. D'accord. Donc justement, comme nous l'avons dit un petit peu plus tôt, vous travaillez seul dans votre atelier. Donc, est-ce qu'il vous arrive parfois de travailler, on va dire, avec des partenaires basés ailleurs en France ou peut-être dans un autre pays, ou est-ce que vous faites vraiment tout de A à Z, si on oublie, entre guillemets, le fait que vous allez chercher les peaux chez d'autres personnes? Donc sinon, est-ce que vous travaillez avec d'autres personnes? Pour le cuir en lui-même, je ne travaille pas avec d'autres confrères. Je réfléchis, je ne crois pas, non. Mais par contre, j'ai des interactions avec d'autres corps de métier. Alors, un petit exemple. Par exemple, une enseigne en cuir. J'ai fait appel à quelqu'un qui découpe le métal pour faire le support et l'encadrage, pour aller dehors. Vous voyez, le profil, il était fait je crois que c'était en inox. Bon, moi, je sais pas du tout faire ça, et c'est une interaction avec deux savoir-faire pour livrer un produit fini. Une autre fois, j'avais, c'est moi qui l'avais initié, je voulais travailler avec un céramiste pour apporter une touche un peu plus, une autre matière à son univers. Alors déjà son univers, quand il présente ses assiettes, ses bols, tout ça, en dessous, j'avais fait des, comment ça peut s'appeler ça, des sets, des sous-bols, des sous-assiettes en cuir. Donc il y avait la chaleur du cuir et puis le minéral avec la terre, donc c'était ça se complétait bien dans une présentation de ces produits-là. J'avais aussi fait des anses en cuir assez épaisses pour les théières, donc ça c'était une interaction avec un autre créateur de céramique, mais il peut en avoir différentes avec les gens qui font des habits ou... Ça me vient pas, mais par exemple avec le bois, ça fonctionnerait aussi. Ah si, j'ai un prototype de sac qui allie le bois et le cuir. D'accord. D'accord. Donc justement, quelles sont les étapes de fabrication d'un article comme un sac ou on va dire peut-être une chaussure pour c'est peut-être il y a peut-être plus d'étapes. Donc quelles sont les grosses étapes de fabrication d'un article comme une chaussure par exemple? Ouais, une chaussure c'est une centaine d'étapes hein, pour une paire. Donc pour simplifier, moi j'ai été formée à savoir fabriquer et monter des chaussures qui tiennent vraiment au pied. Donc elles ont des contreforts. C'est de la chaussure qui maintient. C'est pas de la chaussure toute molle. Donc pour fabriquer une chaussure, il faut se mettre sur un support, donc une forme à chaussure. Donc sur cette forme, on va mettre une semelle de montage en dessous. Par-dessus, on va créer une tige, c'est-à-dire ça serait comme une jupe qu'on va enfiler sur la forme par le haut. Et cette jupe, ça s'appelle une tige en botterie. Et là, cette jupe-là, elle est faite à partir d'un patron du modèle de chaussure que l'on veut monter. Et donc, ce patron, ce sont des pièces qui sont assemblées ensemble, qui sont cousues, collées, cousues. Voilà, tout est bien homogène. Après, donc cette tige qui existe, elle est montée sur la forme, elle est rabattue par le dessous sur la semelle de montage. Moi, je fais du montage à la main. Donc je tire, on va dire, le cuir de la tige sur la forme à l'aide d'une pince à monter. C'est une pince qui a un bec pince et qui possède aussi un levier qui fait marteau et qui décuple la force en fait de l'étirement. Une fois qu'on a tout posé comme ça, c'est maintenu avec des clous. Le but, c'est au final d'enlever les clous, donc il faudra coller tout ça pour pouvoir démouler la forme qui se trouve à l'intérieur. Et moi, je fais du montage cousu. Donc une fois que la forme intérieure de la chaussure elle est sortie, j'utilise une machine à coudre mécanique qui s'appelle une couture black, donc qui coud la semelle à la tige. Donc on a un montage pérenne très solide. Et après, il faut coller la semelle de marche là-dessus. Donc, la semelle va à la fois faire fonction d'usure et de protéger le montage, plus le talon qui est collé et cloué, et puis les finitions, la semelle intérieure de propreté, les lacets s'il y en a, tout ciré, tout bichonné. Voilà, ça s'appelle bichonné en botterie, ciré, patiné, nettoyer le cuir à la fin. Voilà, à peu près, ça c'est vraiment en gros des étapes de montage, pour simplifier. D'accord. Donc justement, avec toutes ces étapes, car comme vous le dites, pour une chaussure, il y a une centaine d'étapes. Bah, oui, au final, ça, à chaque fois que je lis à nouveau des livres là-dessus, ou j'entends des émissions à la radio, ils disent 100 étapes, mais moi je les ai jamais comptées. Hein. Mmh. Je suis dedans. En plus, on a deux pieds, donc ça fait 50 d'un côté, 50 de l'autre. Ça va vite. Hein. Donc justement, combien de temps cela vous prend-il pour fabriquer un article ou un accessoire, ou par exemple, comme nous le disions, pour fabriquer une chaussure? Ah ben, une chaussure, la plus compliquée, il faut que je mette 40 heures. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais. Et puis, je suppose aussi que la durée de fabrication dépend de ce que vous fabriquez. Par exemple, un cabas sera peut-être moins long qu'une chaussure. Ah ben oui. Un cabas, on va dire assez simpliste, il y a deux panneaux, deux anses, une poche. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 pièces. Mm-hmm. Ça, c'est le mini. comparé à une centaine d'étapes dans la chaussure. C'est oui. Voilà, c'est le jour et la nuit. En simplicité, c'est le jour et la nuit aussi. Il faut pas spécialement de forme pour monter un cabas, donc ça demande aussi moins d'outillage. Faire une chaussure et développer un modèle de chaussure, ça demande beaucoup d'investissement en amont, parce qu'il faut des machines, il faut des outils, il faut aussi des formes qui correspondent à des pointures. Pour développer qu'un seul modèle, il faut rentrer un parc de formes qui correspond au modèle, donc avec le choix du bout, de la forme, le choix de la hauteur du talon. Et il faut rentrer 11 paires. Hein, pour faire du 35 au 41, on va dire. Voilà, ça fait à peu près, ça doit faire 11 paires. Donc ça fait un investissement dans ces formes-là. Et il faut de la place aussi, parce que ça prend vite de la place, sachant que j'ai 5 modèles de chaussures. Mmh. Voilà. Donc il y a des investissements en amont. Pour un sac, franchement, un sac, c'est simple. Par rapport à une chaussure, je trouve ça simple, moi. D'accord. Donc il est 14h37, avant de nous pencher encore davantage sur votre entreprise et sur votre marque, je vous propose de nous lancer dans une nouvelle fréquence, dans une deuxième pause musicale que vous avez choisie une nouvelle fois, et que nous écoutions cette fois Alain Souchon avec le titre « Je veux du cuir ». Ça tombe bien, c'est pile dans le thème de l'émission. Donc une nouvelle fois, pour donner les quelques références, cette chanson est sortie en 1985 et est tirée du 7e album studio de Alain Souchon, album intitulé « C'est comme vous voulez », album sorti le 1er octobre 1985. On écoute donc Alain Souchon avec ce titre et on se retrouve juste après, d'ici un peu plus de 3 minutes. Donc à tout de suite. Je veux du cuir, pas du pipe, je veux du vécu, des gros seins, des gros culs, je veux du cuir, peut-être rapprocher le micro, comme ça on m'entendra mieux. Donc vous êtes de retour sur Radio Guimauzo, vous êtes toujours en direct. Il est 14h41, vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement ou sur nos applications mobiles et web, Radio Line et Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter Alain Souchon avec son morceau « Je veux du cuir » et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont de Claire Chauffel qui est là pour nous parler de son entreprise, de sa marque et de son magasin Claire With A K. Donc est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie Claire ? Tout à fait Chris, merci. Parfait. Donc on se doute assez facilement de la raison, mais je vais quand même poser la question. Pourquoi avoir choisi cette chanson de Alain Souchon, Je veux du cuir ? Bah déjà en 85, moi j'avais 15 ans, donc ça me parlait bien, ça me créait tout un univers, je voyais des motos, des gens avec des vêtements en cuir, je trouvais ça très sensuel, il y a comme une douceur et je sais pas, quelque chose de très humain dans cette matière, enfin, en tout cas c'est comme ça que moi je la vis. Et je trouve son timbre de voix très doux, très, comment dire, vous voyez, un fauteuil club en cuir, tout ça, un petit salon cosy, voilà, c'est tout cet univers, j'aime bien. D'accord. Donc on va reprendre le cours de cette émission. Avec quels outils et ou avec quelles machines travaillez-vous pour créer les différents articles commandés par vos clientes et vos clients ? Alors, l'outil principal, ça reste quelque chose pour couper, ce sont des tranchets. D'accord. Et ensuite, tout est à peu près cousu. Donc, il y a plusieurs machines à coudre. Ou aussi, il y a des étapes, ça peut être aussi du poincelier avec des coutures à la main. Mais j'ai une machine qui est super, une machine à coudre avec un pilier, une crosse qui sort de la table comme ça, qui me sert bien pour tout, à la fois les chaussures, les sacs. C'est s'appelle une, donc elle est de la marque Pfaff, c'est une Pfaff pilier. C'est une machine spécifique pour coudre le cuir et elle est très très vorace. On peut lui donner des bonnes épaisseurs et elle n'a pas de complexe. D'accord. Oui, parce qu'en préparant cette émission, j'ai regardé une petite vidéo concernant du coup votre atelier, puis j'ai vu que vous aviez, je ne sais pas comment ça s'appelle, une machine où vous tiriez un manche et ça poissonnait le cuir. Ah oui, ça c'est des... c'est comme des presses, oui. C'est des petits outils à main qui permettent de poser de la quincaillerie, des pressions, des rivets. Ça sertit en fait. C'est comme une presse à main et ça sertit. Ou ça pourrait aussi servir à graver. D'accord. À graver le cuir avec un outil de marquage. Qu'on place sur la tête de cette machine-là. D'accord. Oui. Ça sert beaucoup, hein, parce que dans les sacs dérivés, il y en a pas mal, des œillets aussi, il peut y avoir des crochets, mais ne serait-ce que monter une boucle sur une ceinture, il faut... On peut la faire avec des coutures, mais on la consolide avec des rivets, quand même. Bien sûr. Mais donc, comment vous faites pour, on va dire, savoir les rivets à utiliser, car j'imagine qu'il y a plusieurs tailles de rivets ? Oui. Alors un rivet, ça se choisit par rapport déjà en un les épaisseurs que l'on a assemblées, on mesure en gros, ça peut être 2 mm, 4 mm, voilà, et donc ça détermine la hauteur de la tige du tube intérieur du rivet. D'accord. Donc c'est l'axe qui va recevoir la tête du rivet qui va fermer tout ça, donc en fonction de cette hauteur de tube, on a plusieurs choix aussi de diamètre de tête. Donc ça dépend ce qu'on veut comme... puis après les couleurs évidemment aussi, mais ça dépend ce qu'on veut comme rendu. Si on veut que le rivet soit discret ou s'il soit très, très voyant. D'accord. Donc il y a un côté technique, c'est la hauteur du tube, et un côté design, on va dire, le diamètre de la tête avec sa couleur. D'accord. Donc d'ailleurs, il est bon de rappeler que vous ne faites pas que des chaussures. Ah bah oui, donc, moi, je fais accessoires de mode au sens large pour la marque Claire With A K. Mm-hmm. Et par extension, on va dire, je me suis expérimentée à de la déco. D'accord. Intérieur ou extérieur avec le cuir. Donc en déco, il peut y avoir des tableaux, il peut y avoir des enseignes, il peut y avoir du mobilier... de jardin ou du mobilier ou refaire des sièges ou avec le cuir, il y a tellement de possibilités d'utilisation de cette matière que ça s'arrête jamais quoi. Si on aime, moi j'adore son élasticité, son rendu, je pourrais en mettre partout. D'accord. Vous faites même des bracelets, il me semble. Oui, je fais des bracelets, des ceintures, des gros ceinturons, des ceintures classiques ou des choses beaucoup plus travaillées, des bracelets, donc j'ai des bracelets fins, mais moi je suis plutôt dans des visuels assez présents, on va dire un peu plus rock, on va dire les manchettes par exemple, c'est ont des bracelets qui font au moins 7 cm de haut. J'ai inventé des formes et des motifs pour des bijoux comme ceux-là. D'accord. Et donc, j'imagine que comme pour toutes les entreprises de fabrication de chaussures, d'accessoires, voire de vêtements, il y a quelques produits phares. J'ai pas compris. Quelques produits phares. Les produits phares, de toute façon, moi, au début, je me suis fait connaître qu'avec les chaussures. Après, par extension, j'ai allié les chaussures et les guêtres. Donc les guêtres, en général, on sait ce que c'est quand on a fait de la rando, mais c'est pas du tout ça. Moi, je fais de la guêtre citadine, très visuelle, colorée, qui remplace vos bottines ou vos bottes. Mmh. Et je pense que Claire Wiveke, c'est aussi connu pour les manchettes, parce que j'ai commencé à faire des manchettes, à partir de 2010. Et c'était pas du tout à l'ordre du jour des bijoux très présents comme ça. Et pareil pour les guêtres d'ailleurs. Les guêtres, j'ai commencé en 2013 et c'était pas dans les magazines de mode. J'ai toujours été en avance. Et donc, en avance parce que moi, il faut que j'innove, il faut que. Enfin, c'est pas qu'il faut, mais c'est comme ça que j'ai envie d'être. Et de créer vraiment, voilà. Mais c'est vrai que mon produit phare, hormis les sacs, je dirais que c'est la manchette qui s'appelle Promesse de rencontre. C'est à la fois un bijou et un jeu. Parce que c'est une manchette qui est toute ciselée, ajourée, qui laisse apparaître la peau, mais elle a un mode de fermoir qui est comme un corset, c'est lacé. Et du coup, la mettre toute seule, c'est pas simple. Et je me suis dit, ah oui, mais les gens, ils font de l'internet, il y a Mythic, il y a tout un site pour se rencontrer, mais on se touche plus. Donc, si on a repéré quelqu'un à son travail ou dans le bus, comment je fais pour l'accoster? Donc, je me suis dit, un petit bracelet qui s'appelle Promesse de rencontre, on va aller voir celui qu'on a repéré pour qu'il nous le pose sur le poignet. Alors, du coup, c'est rigolo parce que faut que le gars, il ait déjà vu un corset ou ce mode de lassage, parce que là, il faut que son cerveau réfléchisse. Et voilà, donc du coup ça fait une interaction assez ludique, joyeuse, un petit insolite, mais ça peut ouvrir sur une petite histoire qui démarre quoi. Oui, c'est original. Voilà. Donc avant de vous mettre à l'œuvre, on va dire artisanalement, comme ce que vous faites c'est artisanal. Oui. Est-ce que vous commencez d'abord par faire une maquette PC par exemple, une maquette ordinateur pour déjà Pas du tout. Pas du tout. Souvent le dessin il est assez précis dans ma tête pour ce qui est d'une ceinture, d'un bracelet, ça se fait assez facilement. En 3D, les pièces elles sortent comme ça. Bon, je fais un semblant de patron en papier peut-être, mais moi j'ai trop hâte. Alors c'est rare que je fasse un patron papier tout de suite. Je le fais avec des chutes par exemple, avec des chutes de cuir, parce que j'ai hâte de voir comment ça se comporte sur moi. Donc ça c'est pour les petites pièces, pour les sacs, les ceintures, les bijoux. Pour les chaussures, c'est déjà un dessin sur la forme. Ça, c'est de toute façon, c'est inévitable. Donc, je vois vraiment le rendu parce que le dessin, il doit être assez précis sur la forme pour en tirer les pièces de patron. Donc, on choisit la pointure qu'il faut et le dessin, il est visuellement, on a l'impression que la chaussure est finie, quoi. Mais c'est loin d'être fini, mais bon. Ouais, c'est la seule étape où je dessine vraiment. Après, ça, j'ai toujours des petits carnets dans mon sac. Si je suis un peu oisif quelque part ou même à une terrasse de café et que mon esprit travaille, je mets toujours des croquis en place parce que les idées, elles fusent. Mmh. Et si je les mets pas sur le papier, de toute façon, elles partent. Après, j'ai aucun moyen de reconnecter ça dans ma tête. Et même quelquefois, des années après, je regarde mes croquis, mais je me souviens absolument pas que j'ai créé ça ou dessiné ça. C'est tellement furtif que bon, moi je suis toujours en train d'inventer des trucs. Ma tête, elle s'arrête jamais. Donc c'est pour ça que j'en ai plein des carnets. Donc c'est intéressant d'aller voir dans les années antérieures qu'est-ce que j'ai plus. Qu'est-ce qui m'est venu à l'esprit, quoi. C'est des fois, ça me fait sourire parce que quand on s'en rappelle pas et que c'est soi-même qui la font dessiner, c'est quand même étrange. Oui. Donc il est 14h52. Avant de nous quitter, je vous propose de nous lancer dans une troisième et dernière fréquence que vous avez choisi à nouveau, Luna Grit, que nous avons eu l'occasion de voir dans la célèbre émission The Voice avec son titre Passager. Une nouvelle fois, vous êtes habitué désormais pour donner les petites références. Cette chanson est plutôt typée pop, et elle est sortie en 2014 et est tirée de son EP 5 titres intitulé Luna Grit, sorti le 15 février 2014. Donc on écoute ce titre et on se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette émission. Donc à tout de suite sur Radio Gemozo. Depuis la naissance de la terre, je suis la passagère, de passagère. Passage des amours éphémères, vieux refrain déjà lointain, déjà loin. Avec son morceau Passager sur Radio Gemozo. Vous êtes de retour, il est 14h presque 56. Vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement ou sur nos applications mobiles et web, Radio Line et Orange Radio partout en France. Nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne-les-Rues-Miremont de Claire Chauffel qui est là pour nous parler de son entreprise, de sa marque et de son magasin Claire with a K. Tout est toujours bon pour vous, hein? Oui, je suis toujours là, toujours contente. Parfait. Donc, même question que pour les deux précédentes pauses musicales. Vous êtes habitué désormais. Pourquoi avoir choisi d'écouter cette chanson? Eh bien, cette artiste, elle est d'ici, elle est née dans les Vosges, elle a une voix qui est très chaleureuse, sensuelle. Bon. J'aime beaucoup son style, même au niveau donc au musical déjà, et aussi au niveau personnalité. Je trouve qu'elle est touchante, elle ose plein de choses. Donc, elle m'accompagne souvent, j'ai ses CD, j'aime beaucoup. D'accord, le micro allumé, c'est mieux. Donc, nous l'avons annoncé avant cette pause musicale, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas encore abordé, mais qui mériterait absolument de l'être ? Alors, cette semaine, je vais souligner un point qui est une activité qui est dispensée par la communauté de communes des Hauts-de-Vosges, qui s'appelle la Semaine du Paysage, à laquelle je participe avec, je fais fabriquer un porte-clés sur le thème, parce que cette année c'était l'eau, donc c'est un porte-clés en cuir qui s'appelle Clairette la Rainette, c'est une grenouille. Et donc j'ai un espace horaire qui est dimanche 30 au musée du textile à Ventron. Il y avait 10 places, apparemment c'est bouclé. Donc comme il y avait peu de places, je propose de faire cet atelier le mardi après-midi de cette semaine, donc demain, et aussi le vendredi après-midi qui est dans 3-4 jours là. Toujours cette semaine à l'atelier, donc il y a un créneau horaire à 14h et un à 16h, c'est un atelier, c'est une fabrication qui dure une heure. C'est destiné aux enfants et aux adultes, donc on peut faire soit le porte-clés grenouille, soit un bracelet tressé. Et normalement, cet atelier-là, je le vends 20 euros. Et pour rentrer dans le cadre de la semaine du paysage, je le propose à 10 euros seulement par personne, ce qui permet de juste payer la matière, en fait. Donc voilà, ça, c'est sur inscription. Donc c'est aussi sur inscription téléphonique, sur mon portable. Et puis je relance aussi pour les cadeaux de Fête des Mères. La Fête des Mères, c'est week-end prochain. Et j'ai plein de produits finis qui peuvent très bien convenir à vos mamans et aussi offrir un beau cadeau pour qu'elles viennent participer à un stage. Voilà. Donc tout ça, c'est consultable sur. Je peux donner mon adresse de site sur www.ateliercuirvosges.com. Et aussi pour les réservations des deux ateliers créatifs, on va dire, c'est au 06 62 58 09 21. Donc c'est demain 14h ou 16h et vendredi 14h ou 16h. D'accord. Ah, donc c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je vous remercie une nouvelle fois, Claire, d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup à vous. C'est très gentil d'avoir pensé à moi. Avec plaisir. J'en suis ravie. Cette émission sera rediffusée demain, mardi à 18h, avec le podcast de cette émission posté demain sur notre page Facebook de la journée. Si vous voulez, je pourrais même vous envoyer l'émission par mail. Oui. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Gemozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40 et on fera part de vos avis à mon invité, du coup. Donc, en attendant, je vous laisse avec Gérard et Salut les 60 d'ici quelques secondes à 15h, qui nous parlera de Rocky Volcano, chanteur de rock français qui a commencé à se faire connaître en 1961 et qui a été, les dernières années de sa vie, réalisateur de films à caractère pornographique. Voilà, c'est passé de la musique au cinéma. Ça peut arriver. Voilà, c'est sympa. Donc, quant à nous, nous nous retrouvons demain à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai par téléphone, toujours dans le cadre du partenariat qui existe entre Radio Gemozo et l'agence d'artistes et le bureau de Lilith, Miguel, du groupe Alambic, qui sera là pour nous parler de sa carrière de chanteur, de son groupe Alambic, mais aussi de leur premier album, intitulé Premier des Derniers, sorti le vendredi 25 octobre 2019, ce qui fait donc un peu plus d'un an et demi maintenant. Donc, merci de votre fidélité à Radio Gemozo, et je vous dis à demain. Donc, salut et à demain. Au revoir à tous.